L'Europe méditerranéenne. Le globe entier de la Terre est divisé en trois parties. L'Europe, l'Asie et l'Afrique. Notre point de départ est au couchant, au détroit de Gadès, l'actuel Cadix, par où l'océan Atlantique, faisant irruption, vient former les mers intérieures. Quand de l'océan, on entre par ce détroit, on a à droite l'Afrique, à gauche l'Europe, entre lesquelles est l'Asie. À l'endroit le plus rétréci de ce détroit, aujourd'hui le détroit de Gibraltar, s'élèvent des deux côtés des montagnes qui resserrent le détroit, Abila en Afrique, Calpe en Europe, limite des travaux d'Hercule. Les habitants les nomment « colonnes de ce dieu » et pensent qu'une fois percées, elles laissèrent pénétrer des mers jusqu'à leur contenu à l'extérieur et qu'ainsi fut changée la face de la nature. On donne le nom de Narbonnaise à la partie de la Gaule qui est baignée par la Méditerranée. Elle a pour limite, du côté de l'Italie, le Var et les Alpes, montagnes dont la barrière a été si utile à l'Empire romain. Du côté du reste de la Gaule, au nord, les Cévennes et le Jura. Par son agriculture florissante, par les mœurs et le mérite de ses habitants, par son opulence, elle ne le cède à aucun des pays soumis à l'Empire. En un mot, c'est plutôt l'Italie qu'une province. Sur la côte Agde, appartenant jadis aux Marseillais, la contrée des volcans tectophages, le lieu où fut Rhodes des Rhodiens et d'où provient le nom de Rhône, le fleuve de loin le plus riche de la Gaule. Se précipitant du haut des Alpes, il traverse le lac Léman et emmène la Saône paresseuse ainsi que l'Isère et la Durance, non moins rapides que lui. Sur la côte encore, Marseille, des Grecs phocéens, Fréjus. Dans l'intérieur des terres des colonies, Arles, de la 6e Légion, Béziers, de la 7e, Orange, de la 2e. Dans le territoire des Cavards, Valence. Dans celui des Allobroges, Vienne. Ville latine, Aix, Avignon et Apta Julia, actuellement. L'Italie. Sans doute on m'accusera à juste titre, je ne l'ignore pas, d'ingratitude et de paresse, si je parle avec brièveté, et pour ainsi dire en passant, de cette terre qui est l'élève et en même temps la mère de toutes les terres, choisie par la providence des dieux pour rendre le ciel lui-même plus brillant, réunir les empires dispersés, adoucir les mœurs, rapprocher par la communauté du langage les idiomes discordants et sauvages de tant de peuples, donner aux hommes la faculté de s'entendre, les policer, en un mot, devenir la patrie unique de toutes les nations du globe. Et Rome, à elle seule, Rome, cette tête digne d'être portée par d'aussi glorieuses épaules, en quel ouvrage faut-il la célébrer? Et pareillement, que de richesse, que de charme, dans la côte seule de la Campanie, où se trouve Pompéi et le Vésuve, chef-d'œuvre où évidemment la nature s'est plu à accumuler ses magnificences. Les Grecs eux-mêmes, si portés à se glorifier, en ont jugé ainsi, en appelant Grande Grèce cette fraction, et quelle fraction, de l'Italie.